Bienvenue à cette première séance du séminaire Les sciences sociales face au global. Merci à tous et toutes d'être là aujourd'hui. C'est la première séance de ce séminaire où l'on va essayer de traiter à partir des travaux de recherche en cours ou finis récemment par des chercheurs, historiens, politistes, sociologues, ou anthropologues peut-être bientôt. On va essayer de discuter la question du global en général, de l'historicité de ce phénomène appelé globalisation ou d'autres types de conceptualisation autour de ce type de phénomène. Pour le programme du séminaire, aujourd'hui on commencera avec une sorte d'introduction par Stéphane Dufoy. On recevra le 14 décembre Sylvie April pour discuter la question de l'exil français au 19e siècle. Et on n'a pas encore les dates confirmées, mais on recevra en janvier Romain Bertrand. En mars, Natalia Mushnik, historienne, maître de conférence à l'EHESS. En avril, Patrick Veil, directeur de recherche au CNRS. Et en mai, reste encore la date et le titre à préciser, Hamzat Boukari Yabara, sur le panafricanisme, il est doctorant à l'EHESS aussi. Donc pour cette première séance, je vais laisser la parole à Stéphane Dufoy qui va nous présenter des jalons pour une petite histoire du global où l'on essaiera de... et on essaiera d'avoir une discussion peut-être après. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose pour cette introduction. On va essayer de faire circuler une feuille pour que vous mettiez vos noms et adresse mail, comme ça vous pouvez... on peut vous contacter plus tard. Je vous laisse. Au revoir. Bien, bonjour. Merci d'être présent pour cette première séance. Donc, c'est vous qui allez essuyer les plâtres très, très directement. C'est vrai qu'avec avec Adèle et Axel, l'idée qui nous avait animé prioritairement en lançant ce séminaire sur les sciences sociales face au global était plutôt d'enclencher un séminaire idéalement sur plusieurs années et en tentant ensuite pour chaque année d'avoir une sorte de thématique pour bon an, mal an, tenter de cerner un petit peu si possible ce qui peut être ressorti de cette idée, de ces différents concepts dont il sera ici question. Alors c'est vrai que pour cette première année, il nous avait semblé que peut-être le plus intéressant, ça sera aussi à vous de le dire, était de partir de la question du temps long, de partir de l'historicité d'une certaine façon, soit du concept de global, soit de l'idée même de global. Et vous allez le constater, notamment dans cette intervention, l'idée va être de tenter tout le temps d'avoir un aller-retour entre le concept en tant que mot installé ou en train de s'installer dans les sciences humaines et sociales ou dans le langage plus courant, et d'un autre côté, la description la description du monde, la description d'un état du social. Donc pour cette première année, l'objectif est de tenter d'étudier à partir de quelques cas empiriques, donc on vous en a parlé, que ce soit celui des territoires des exilés français au XIXe siècle, que ce soit celui des transformations de la citoyenneté dont parlera Patrick Veil, de tenter de saisir à quel point finalement cette notion de global ou l'idée même de global n'est pas une chose nouvelle et qu'on peut en percevoir des traces, mais lesquelles dans un temps plus long. Vraisemblablement, l'objectif de l'année prochaine sera de prendre exactement l'autre lentille et sera de tenter de saisir en quoi le global est quelque chose de nouveau et en quoi il peut y avoir des dimensions éventuellement de cette question qui seraient des dimensions véritablement intrinsèquement nouvelles, qu'elles soient liées à des phénomènes politiques, qu'elles soient liées à des avancées technologiques. Alors, pour ce que je vais vous présenter aujourd'hui, j'insiste sur le fait qu'il s'agit véritablement d'une toute première tentative. Quand j'ai lancé cette idée auprès d'Axel et d'Adèle il y a maintenant quelques mois, je pensais qu'il n'allait pas être très compliqué finalement de réussir à poser quelques jalons pour une histoire du concept de global. Il me semblait que ça n'allait pas être si difficile que ça, et je me rends compte que c'était vraiment d'une naïveté assez confondante de ma part, et que je me suis assez rapidement trouvé littéralement noyé dans, d'une part, la masse d'informations possibles, et d'autre part, dans l'extraordinaire hétérogénéité de ce qui est de ce qui peut être étudié et de ce qui peut être lu. Donc, ce que je vais tenter de vous présenter aujourd'hui est le résultat de cet tâtonnement. Donc, il ne s'agit absolument en aucun cas de quelque chose qui est fini. Il ne s'agit même pas véritablement de quelque chose qui est en train de se faire. Ça serait une sorte d'introduction à une introduction. Donc, non seulement j'en appelle à votre indulgence, mais j'en appelle aussi et surtout à vos commentaires et à vos réactions par rapport à cela. Sur un premier point, pourquoi est-ce que j'ai essayé de poser la question de cette manière-là à partir du concept de global? Premièrement, parce que c'est pour moi une sorte de deuxième tentative. Donc, je viens de terminer un assez gros travail sur l'histoire des usages du terme de diaspora sur plus de 2000 ans. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être une possibilité de voir si, avec un concept comme celui de global, on avait cette possibilité également de venir travailler la question des usages, et en particulier dans les sciences humaines et sociales et dans le monde académique de manière plus large. Donc j'avais l'impression de partir avec un bagage qui pouvait me permettre de le faire avant de me rendre compte que ça allait être beaucoup plus compliqué que cela. Dans un premier temps, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'existe pratiquement pas en tout cas à ma connaissance, de tentative d'histoire de ce concept de mondialisation, de globalisation ou de global. J'entends bien ici en termes d'histoire du concept, c'est-à-dire pas, je ne parle pas des histoires de la mondialisation ou des histoires de la globalisation ou des éventuelles histoires du global. Je parle d'un texte qui se donnerait pour objectif, ou de plusieurs textes qui se donneraient pour objectif de retracer l'évolution des usages de ces termes. J'insiste sur ces termes parce que bien évidemment, il y a des termes français, il y a des termes anglais, et vous savez très bien que le terme français de globalisation tel qu'il s'est imposé depuis maintenant 20 ans, en gros, n'est qu'une, ou d'ailleurs celui de mondialisation, n'est qu'une sorte de reprise ou de tentative de traduction du concept anglophone de globalization, qui lui, véritablement, en tout cas sous sa forme la plus connue actuellement, n'émerge véritablement qu'à partir du début des années 1980. En tout cas, c'est ce que j'ai cru pouvoir saisir. La seule chose que j'ai trouvée, c'est un article en français qui se présente comme une histoire du terme de mondialisation. C'est un article écrit sous la plume de René-Éric Dagorne, qui est dans un ouvrage que je dois d'ailleurs avoir ici, un ouvrage sous la direction de Jacques Lévy, intitulé L'invention du monde. Et donc pour l'instant, c'est le seul véritable texte se donnant cet objectif que j'ai rencontré. Donc dans un premier temps, ce que je souhaiterais peut-être faire avec vous, c'est vous donner les hypothèses ou les résultats produit par René-Éric Dagorne là-dessus. Il propose ce qu'il appelle lui-même une généalogie, qui a priori est tentée, enfin, est plutôt tentée de penser qu'il va nous amener du côté d'une histoire des usages, Et à y regarder de plus près, on se rend compte que c'est un petit tiers de l'article qui est consacré à cette question des usages et qu'après, rapidement, il passe du côté des définitions et des bonnes définitions, des mauvaises définitions et des définitions utiles ou inutiles. Néanmoins, il propose une sorte de chronologie en trois temps. Selon lui, il y aurait une sorte de premier mouvement qui irait jusqu'en 1983, mais dont il ne précise pas le départ, il ne précise pas le point de départ. Dans ce premier mouvement, il y aurait deux idées qui se développeraient en parallèle. Tout d'abord, des réflexions sur l'apparition d'une société globale, et d'un autre côté, l'apparition du mot même de globalisation ou mondialisation. Dans le premier cas, donc la réflexion sur l'apparition d'une société globale, il croit voir en Marshall McLuhan, donc qui est un spécialiste de l'histoire de la communication, qui est surtout réputé pour avoir écrit dans les années 1960 un certain nombre d'ouvrages très réputés, La galaxie Gutenberg, Pour comprendre les médias, etc. Et il voit chez Marshall McLuhan une sorte de pionnier dans la compréhension et l'analyse de l'idée selon laquelle on serait dans une logique d'interdépendance de plus en plus importante au niveau mondial, et que cette interdépendance serait liée au développement de l'électronique, médias électroniques, qui permettrait de recréer le monde à l'image d'un village global. Fameuse notion, métaphore du village global dont vous avez sans doute déjà entendu parler, et qui donc date de ces années-là, c'est-à-dire 1962, qui est le moment de l'année de publication de la galaxie Gutenberg. Donc l'insistance ici serait mise sur cette question d'une interdépendance croissante qui viendrait finalement faire diminuer la taille du monde et lui permettrait donc de pouvoir fonctionner à l'image d'un village. Excusez-moi, monsieur, je vous dérange. Je cherche un séminaire doctoral animé par monsieur Dufoy. Mais... C'est là. C'est ici. Bonjour. Donc ça serait le premier cas, cette réflexion donc sur l'apparition d'une société globale. Le deuxième mouvement, donc analysé par René-Éric Dagorn, serait celui qui concernerait l'apparition du mot mondialisation en français, qu'il date des années 1960 et auquel il ajoute immédiatement le terme de globalisation qui apparaîtrait en anglais dans les mêmes années. Il est vrai que, par exemple, si on regarde un dictionnaire anglais comme le Webster, le terme de globalisation entre dans le Webster en 1961. Donc on a affaire à quelque chose qui semble effectivement contemporain de cette période-là. Donc c'est ce premier mouvement qui irait jusqu'en 1983 environ. Le deuxième mouvement partirait du début des années 1980 jusqu'au milieu des années 1990 et concernerait avant tout le domaine de l'économie. Ça serait à partir du domaine économique que se produirait une extension du terme de soit mondialisation, soit globalisation. Et il cite en particulier un article publié dans la Harvard Business Review, qui est signé Theodore Levitt, Levitt, en 1983, et qui s'appelle The Globalization of Markets, la mondialisation des marchés. L'idée qui est présente dans cet article, c'est celui de la naissance de ce que l'on pourrait appeler, de ce qu'il appelle d'ailleurs, de ce que Levitt appelle les global firms. Et à partir de là, selon lui, la naissance et le développement de ces global firms appellent, entraînent une plus grande homogénéité du marché économique. C'est-à-dire qu'avec l'extension, avec la croissance, l'émergence de ces sociétés à un niveau mondial, ce que l'on constaterait, c'est une homogénéisation croissante et l'absence d'adaptation aux marchés locaux. C'est-à-dire que dans ce cas-là, l'idée de globalisation va de pair avec la création de quelque chose de plus homogène, c'est-à-dire viendrait lisser, d'une certaine manière, les différences locales, avec l'idée notamment, telle qu'elle est développée par Levitt, que finalement le monde est plat. Et que, par conséquent, les mêmes procédures, les mêmes idées, les mêmes produits peuvent être vendus de la même manière partout. Donc c'est un véritable lissage des différences. Donc ça serait ce deuxième mouvement qui finalement viendrait connaître une sorte de consécration à partir du tout début des années 1990, où, selon Dagorn, s'effectuerait une sorte de changement d'échelle. Il estime qu'à partir du moment où le mur de Berlin s'écroule, on a une sorte de décomposition des anciens systèmes de fonctionnement de l'économie au profit d'une sorte de porte ouverte au développement des firmes mondiales de plus en plus importantes, hypothèse qui semble relativement cohérente avec une idée qui commence à être évoquée au début des années 1990 également. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. L'idée qui est développée par Francis Fukuyama de la fin de l'histoire correspondant en fait à la victoire finale du modèle de la démocratie libérale et notamment du modèle du libéralisme économique qui pourrait à partir de là se répandre librement à travers toute la surface du globe. Troisième mouvement, ça serait celui qui aurait commencé en 1995 pour Dagorn, sans qu'il ne nous donne véritablement de raison pour laquelle ça serait 95 le point de départ. Encore une fois, je ne fais que vous résumer un peu ce qu'il le propose pour tenter ensuite peut-être d'aller plus loin ou de relativiser un certain nombre de ces idées. Selon lui, depuis 1995, l'idée de la mondialisation ou de la globalisation devient un paradigme majeur. Et devient notamment un paradigme majeur au sein des sciences économiques et sociales, mais aussi de manière plus large au sein du monde politique et du monde économique, avec la disparition des économies fondées sur la planification. On retombe sur l'idée précédente qu'il avait émise. Et surtout, ce qui, véritablement, à mon avis, est sans doute un des points forts de la démonstration de Dagorn, aussi avec l'idée que, selon lui, à partir du milieu des années 1990, le concept de mondialisation est repris par des grands organismes internationaux, tels que l'OCDE, qui vont venir en faire des grilles d'explication du monde tel qu'il est, et aussi vraisemblablement là ce n'est pas Dagorn qui parle, c'est la manière dont je tente de l'interpréter, mais aussi des grilles de prédiction pour ce qui peut se passer par la suite. Vous savez qu'un certain nombre de ces grands organismes, là ils parlent essentiellement de l'OCDE, mais on pourrait également penser à la Banque mondiale, le travail d'un certain nombre de ces organismes est, sur la base de l'expertise, non seulement de dresser des états de situations, mais également très souvent de créer des situations par l'intermédiaire de l'organisation de rencontres avec des responsables politiques, des responsables économiques de différents États pour leur imposer des bonnes pratiques. ou leur info, ce qu'on appelle les best practices. Et souvent, ces best practices reposent précisément sur des modèles de ce genre où on leur dit voilà, voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qu'il faudrait que vous fassiez. La conséquence de ceci étant que les États qui s'engagent à l'intérieur de ces best practices contribuent d'une certaine façon à amplifier le phénomène tel qu'il avait pu être perçu auparavant. Donc, ces grands organismes internationaux, la Banque mondiale, l'OCDE, joueraient un rôle de vecteur de diffusion du paradigme de la mondialisation. Dans le même temps, Dagorn nous explique que ça devient aussi un paradigme important dans les sciences humaines et sociales. Par contre, il ne nous explique à jamais comment et si se fait le lien entre ce qui se passe au niveau des sciences humaines et sociales, en particulier la sociologie, l'économie, etc., et ces grands organismes internationaux. C'est-à-dire qu'il ne tente pas, je ne dis pas qu'il ne peut pas le faire, il ne tente pas de produire un lien entre les deux, il ne montre pas par quelle passerelle pourrait se faire le lien entre les deux. Donc, dans les autres sciences humaines, en l'occurrence françaises, puisque c'est surtout là-dessus qu'il s'intéresse, il montre que des auteurs comme Roger Brunet, comme Jacques Lévy, Christian Grataloup, etc., à partir du début des années 1990, commencent à tourner autour de cette idée, sans forcément d'ailleurs toujours utiliser le terme de mondialisation ou de globalisation. Par exemple, en 1992, il y a la publication d'un ouvrage collectif qui est dirigé par Marie-Françoise Durand, Jacques Lévy, Christian Grataloup, et qui s'appelle « Le monde, espace et système ». Donc on a bel et bien cette idée, l'idée présente d'une certaine façon d'un monde global, mais où le terme qui est utilisé est le terme de « système-monde », dans une logique qui est finalement très, très brodélienne, comme d'ailleurs ces différents auteurs le reconnaissent eux-mêmes. Mais c'est véritablement à la fin des années 1990 que, en géographie, le terme même de mondialisation commence à prendre de l'importance, notamment parce qu'il va commencer à se diffuser auprès des enseignants du secondaire. Et que très progressivement, à partir du début, fin des années 90, du début des années 2000, l'idée de la mondialisation va intégrer les manuels. Bien évidemment, les manuels d'histoire et les manuels d'histoire-géographie. En ce qui concerne l'histoire en tant que telle, on a affaire à une sorte d'importation de ce paradigme qui semble être plus lente. Il faut savoir que l'idée d'une conception plus générale de l'histoire, même si elle est souvent associée en France à la personne de Fernand Braudel, n'est pas nécessairement quelque chose d'aussi répandu qu'on peut le penser. Et notamment, il y avait très souvent, notamment dans les années 1970, une importance plus grande qui était accordée au micro qu'elle ne pouvait l'être véritablement à la question macro-historique. Et le changement ne se fait que véritablement progressivement auprès des historiens, et Dagorn nous explique que selon lui, il faut d'abord aller chercher du côté des historiens anglo-saxons le passage à une sorte de mondialisation de la scène historique qu'il voit notamment, lui, je ne suis pas d'accord avec cette idée, mais c'est la manière dont il le voit, avec la publication en 1999 de L'âge des extrêmes d'Eric Hobsbawm. Ça me paraît compliqué à tenir parce qu'Hobsbawm, L'âge des extrêmes n'est finalement qu'un dernier volume d'une série qui a commencé bien avant. Donc Hobsbawm ne commence pas en 1999 et dès les années 1980, il y a déjà des ouvrages d'Hobsbawm qui tentent d'articuler bien évidemment ce qui se passe à un niveau plus largement mondial. Enfin, du côté de la sociologie et de la science politique, dernier point qu'on peut véritablement retirer de Dagorn, ça serait à la fin des années 1990 que se ferait véritablement le passage, essentiellement en France, du côté de la science politique, avec des auteurs comme Bertrand Badi ou Marie-Claude Smoots, qui publie donc en 1997 un ouvrage qui est intitulé « Le retournement du monde » et dans lequel il considère précisément cette mondialisation comme étant un retournement. Et ce retournement est articulé autour de la question d'une relative forme de décomposition de la prégnance de l'État au profit de l'importance de plus en plus grande des flux et présence de plus en plus grande de tout ce qui relève du transnational. Alors, en m'appuyant sur cette proposition généalogique qui présente l'énorme mérite de déjà brasser beaucoup d'informations, je me suis posé la question de ce qu'il était possible de faire à partir de ça. Et j'ai l'impression que dans le cadre d'une socio-sémantique historique, c'est-à-dire d'une analyse des usages d'un concept qui tente de tenir en même temps la dimension historique et la dimension sociologique, il y a deux mouvements qui seraient possibles. Je pense qu'il est possible de tenter, en tout cas, encore une fois, ça n'est véritablement qu'une ébauche. Il est possible d'aller plus loin du côté aussi bien de l'onomasiologie que de la sémasiologie. C'est-à-dire, en linguistique et notamment en histoire des concepts, on fait la distinction entre l'onomasiologie, qui consiste à suivre un mot et à suivre son histoire et ses usages en se concentrant sur ce seul mot et en notant les différentes acceptions qu'il véhicule et qu'il enferme. Et d'un autre côté, la sémasiologie, qui, elle, se concentre sur une idée et tente de suivre la trajectoire d'une idée, notamment au travers des différents termes ou des différentes expressions par lesquelles cette idée a pu être exprimée. Concrètement, ça impliquerait ici de tenter de suivre d'un côté l'usage du terme global, globalisation ou mondialisation, en se fixant sur ce terme-là et en essayant de voir la manière dont il a évolué. Et d'un autre côté, ça peut aussi impliquer de suivre l'histoire de l'idée, soit de mondialisation, soit de mondialité, soit de globalité. Si l'on part de ces deux objectifs, qui sont les objectifs idéaux, bien évidemment, parce qu'à mon avis, il faudrait plus d'une vie et plus d'un chercheur pour réussir à les remplir. Je pense qu'on peut tenter d'aller plus loin que Dagorn. À mon avis, dans deux directions. D'une part, il y a un usage des termes qui est plus ancien que ce qu'il indique. C'est-à-dire que quand on se penche un peu la question à partir des banques de données dont on peut disposer, on se rend compte, par exemple, que l'usage du terme global, dans un sens qui est proche de celui que l'on utilise actuellement, c'est-à-dire dans le sens de mondial, peut relativement facilement être trouvé bien avant les années 1960. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de pouvoir remonter plus loin. On trouve des expressions telles que géographie globale ou même globalisation qui existent bien avant les années 1960. Donc il y a un usage des termes eux-mêmes qui peut être plus ancien. D'autre part, l'idée elle-même d'un monde considéré dans son unité ou considéré dans son interdépendance, dans sa connectivité, d'une certaine façon, cette idée-là est également bien plus ancienne que Dagorn veut nous le montrer. Alors, j'ai essayé de chercher quelques exemples pour vous montrer à quel point ces idées sont bien plus anciennes que celles qu'on peut imaginer. Alors, Dagorn nous cite McLuhan, donc en ça, il a absolument raison. Mais on trouve également cette idée et une idée déjà très très complexe, on trouve une idée qui est antérieure à McLuhan. On la trouve chez Arnold Toynbee. Je ne sais pas si le nom de Toynbee dit quelque chose. C'est un historien qui maintenant est assez allègrement oublié, donc un historien britannique, qui notamment est devenu célèbre par l'écriture d'une sorte de gigantesque fresque historique qui s'appelle le Study of History, qui est une tentative d'histoire universelle, qui représente 12 volumes, dont la publication s'échelonne entre 1934 et 1961 pour le dernier. Et notamment dans ce dernier volume, en 1961, Toynbee a un certain nombre de pages qui, quand on les lit maintenant, sont assez fascinantes, parce qu'on a l'impression, je dis bien l'impression, qu'il voit ce qui va se passer. Alors bien évidemment, il n'anticipe pas, il ne voit pas ce qui va se passer, c'est simplement qu'il tire un certain nombre de conclusions à partir des faits dont il dispose. Je vais me permettre de vous lire quelques lignes de Toynbee, que j'ai personnellement utilisé dans le travail que j'ai fait sur le concept de diaspora, parce que c'est un terme qu'il utilise, et vous allez voir la manière dont il articule justement cette idée de global, de distance et de communication. Donc je cite. L'annihilation de la distance, grâce au projet technologique appliqué aux moyens de communication physique, ouvre l'horizon d'une société future qui embrassera l'ensemble de la surface habitable et traversable de la planète, y compris son enveloppe aérienne, et unifiera la race humaine en une seule et unique société. Au sein de cette société œcuménique, il est probable que ce seront les diasporas et non les unités territoriales compactes qui formeront les communautés constitutives les plus importantes de la société globale. Il continue. Maintenant que le monde devient une seule et grande cité, on peut s'attendre à voir les associations fondées sur le voisinage disparaître au profit de celles qui s'appuient sur l'affinité spirituelle, c'est-à-dire de diaspora au sens le plus large du terme, ce qui comprend toutes ces minorités ubiquistes et dispersées qui sont tenues ensemble par des liens religieux ou autres, indépendants de toute localité. Donc on a toutes les idées qu'on peut retrouver maintenant d'une mise en lien croissante qui va contribuer à une certaine forme d'annihilation de la distance, annihilation de la distance qui permettrait, même si les différents mécanismes n'en sont pas précisés ici, qui permettrait de pouvoir envisager la constitution, comme il le dit, du monde en une seule et grande cité. Bon, je trouve que déjà ici, au début des années 1960, on a une vision de ce que peut être la globalité qui est assez frappante. Et en travaillant sur cette question, je me suis rendu compte qu'on pouvait même remonter plus loin. On peut remonter plus loin de deux manières. D'une part, en suivant un certain nombre de progrès technologiques. Je vous donne un premier exemple, qui est notamment utilisé par Armand Matlard dans son histoire de l'utopie planétaire. Il nous explique que au moment de l'invention du télégraphe, on est au début du 19e siècle, Saint-Simon envisage déjà la manière dont, en tout cas considère, il voit ça comme une sorte d'évidence, que l'invention du télégraphe, c'est-à-dire la possibilité de communiquer à distance, va permettre de créer une sorte de nouvelle forme de société, et notamment va devenir le vecteur, pour lui clair, fondamental, de la société industrielle, à la formation de laquelle il aspire. Ça, c'est pour le télégraphe. Et la question du téléphone va se poser exactement de la même manière. Et j'ai découvert, j'ignorais totalement son nom et... tout vous dire, j'ai même cru au départ, comme je vous le disais, qu'il s'agissait d'un canular. J'ai découvert l'existence d'un scientifique qui s'appelle Nikola Tesla, qui est, je ne sais pas si quelqu'un ici connaissait l'existence de Nikola Tesla. Par curiosité, ça vous dit quelque chose ? Non. Bref, c'est un grand scientifique qui apparemment a déposé plus de 200 brevets d'invention. C'était le principal concurrent d'Edison à la fin du 19e siècle. Et il est, on le considère comme l'inventeur du courant alternatif, notamment. Et Tesla est quelqu'un qui a énormément réfléchi à la question de la possibilité de communiquer sans fil. Et j'utilise à dessein « sans fil » puisque l'expression qu'il utilise dans les années au début du XXe siècle, hein, on est en 1902 notamment, à un moment il fait une première expérience de téléphonie de cette manière-là, il utilise l'expression « wireless ». C'est quand même assez frappant. Et Tesla, au cours des décennies qui vont suivre, va continuer à travailler sur la manière de communiquer par le système des ondes. Et à plusieurs reprises, il va s'exprimer là-dessus. Alors j'ai trouvé plusieurs choses que je souhaitais vous lire très très brièvement. Par exemple, dans une interview au New York Times, 3 octobre 1915, il parle de la possibilité donc de communiquer par téléphone sans l'existence d'un fil par lequel transiteraient les informations. Et il dit, c'est une chose merveilleuse, le sans-fil advient à l'humanité, et il dit, il est probable que dans quelque temps, il existera, mettons, 6 grandes stations téléphoniques sans fil, au sein d'un système mondial qui connectera tous les habitants de la Terre l'un à l'autre, non seulement par la voix, mais par la vision, sûrement c'est quelque chose qui est en train d'arriver. On est en 1915. Très honnêtement, pour vous dire, quand j'ai lu ça, j'ai vraiment pensé que c'était quelque chose qui était écrit de toutes pièces aujourd'hui, en faisant croire que c'était quelque chose qui datait de 1915. Pour l'instant, les vérifications que j'ai pu faire ont plutôt l'air de montrer que c'est tout à fait réel. Et ça me semble quand même assez incroyable, puisque quelques années plus tard, en 1926, il produit exactement le même type de déclaration à propos du sans-fil, en disant que bientôt, il sera possible de se voir et de s'entendre aussi parfaitement que si nous étions en face à face, en dépit d'une distance de plusieurs milliers de miles, et les instruments par lesquels nous serons en capacité de faire cela, d'accomplir cela, seront beaucoup plus simples que le téléphone que nous avons à l'heure actuelle. Et il écrit cela, il dit « Un homme sera capable d'en emporter un dans sa poche de veste. » On est en 1926. Donc c'est pour vous dire que par l'intermédiaire de cette idée de la communication, de cette idée des moyens de communication, il existait déjà, il y a plusieurs décennies, des penseurs qui envisageaient la totalité du monde comme un. Mais pas seulement à la manière dont Polybe, dans l'Antiquité, pouvait envisager l'existence du monde comme un. Là, c'est véritablement envisager l'existence à l'échelle de la planète, premier point, et deuxièmement, avec une capacité d'effet de cette communication, c'est-à-dire une capacité de vitesse, d'annihilation, de quasi-annihilation de la distance. Il ne s'agit pas simplement de dire on va pouvoir bientôt voyager un petit peu partout, mais ça prendra longtemps. Là, l'idée est de considérer que véritablement, il va y avoir un changement dans la manière de penser l'existence via les transformations de ces moyens de communication. Donc le premier mouvement vers lequel, à mon avis, on peut aller peut-être plus loin, c'est celui qui consiste à estimer qu'il y a un usage plus ancien des termes et une existence plus ancienne de l'idée. Le deuxième mouvement qui me paraît envisageable, c'est celui qui, en revanche, s'attarderait à la question de la nouveauté d'un certain nombre de sens associée au terme de global, c'est-à-dire à de nouvelles acceptions. Et parmi ces nouvelles acceptions, il y a là en revanche un texte tout à fait intéressant qui est celui qui est produit par un politiste suédois qui s'appelle Jens Bartelsson, qui écrit en juin 2000 dans la revue International Sociology un article qui s'intitule « Three Concepts of Globalization ». Et il se donne pour objectif, très explicitement dans une dynamique d'histoire des concepts à la COSELEC, de tenter de saisir l'existence contemporaine depuis le début des années 1990, donc sur une décennie, 1990-2000, l'existence de ce qu'il appelle trois concepts différents qui sont malgré tout, qui utilisent le même terme, on va dire, c'est-à-dire un seul terme, globalization, mais trois acceptions différentes qui sont associées. Je ne sais pas si je suis très clair. Je vous donne très brièvement ces trois acceptions. Il estime, d'une part, qu'il y a un premier sens par lequel globalisation est interprétée comme un transfert. C'est-à-dire que la mondialisation équivaudrait à une sorte d'intensification des échanges entre les unités qui composent le système. Il y a un système, il y a des unités qui le composent, et la mondialisation serait une sorte de simple, entre guillemets, intensification des échanges qui existent, sans modifier les unités, et sans modifier le système. Pour lui, ça équivaudrait notamment à une sorte de logique d'internationalisation et d'interdépendance croissante. En particulier, il voit ça sur trois plans, plus de relations entre les États, plus de développement sur le plan international, y compris au niveau des différentes grandes organisations internationales, ce qui a pour effet, pour Bartelsson, de ne pas modifier les différentes unités qui composent le système, en l'occurrence les États. Sur le plan économique, pour lui, c'est exactement la même chose. C'est plus d'échanges, mais aucune des unités qui sont à l'œuvre, c'est-à-dire les grandes firmes, n'est directement modifié par cette intensification des échanges. Et enfin, au niveau de la culture, il analyse ça comme une sorte de compétition accrue entre des visions culturelles du monde, avec notamment l'espèce de tarte à la crème que représente maintenant la question de l'américanisation du monde, dont il est bien entendu question depuis longtemps, mais qui a été encore plus utilisé, encore plus développé à partir du début des années 1990. Donc première acception, la mondialisation comme transfert. Deuxième acception, la mondialisation comme transformation. Dans cette acception-là, le global, le niveau global, est considéré comme indépendant des unités du système. C'est-à-dire qu'il est postulé comme un système monde ayant sa propre structure, sa propre histoire, sa propre logique. Et à l'intérieur de cette acception, le monde pourrait être défini comme un lieu comprenant la totalité des relations humaines. En particulier pour Bartelsson, dans cette logique-là, dans cette logique de la transformation, si la globalisation est une transformation, c'est notamment une transformation vers une plus grande importance du système par rapport aux unités qu'il compose, ce qui signifie une sorte d'érosion de la souveraineté des États, une moindre capacité à tenir les frontières, une moindre capacité à garder les enjeux nationaux, seulement nationaux. Une moindre capacité à intervenir à l'extérieur. On est dans la logique de ce que Saskia Sassen appelait dans un ouvrage la perte de contrôle des États sur un certain nombre des ressources dont ils disposaient jusque-là et dont ils avaient le monopole à l'intérieur d'un territoire relativement clairement défini. Enfin, troisième acception, la globalisation comme transcendance. Dans cette acception-là, pour Bartelson, et il associe les noms de deux sociologues britanniques, qui sont Scott Lash et John Hurry, il estime qu'à ce niveau-là, l'émergence de la notion de global, et l'émergence du global, puisque dans les faits, Bartelson ne dissocie jamais véritablement les deux, parce qu'il estime que la chose est largement créée par la multiplication des usages du mot lui-même, il estime que l'émergence du global a tendance à venir dissoudre ce qui existait auparavant, c'est-à-dire la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, et notamment entre l'intérieur et l'extérieur des unités. L'intérieur d'un État, ce qui se passe sur le territoire, l'extérieur, c'est-à-dire ce qui se passe au-delà du territoire national. C'est-à-dire qu'en gros, l'émergence du global viendrait dissoudre la distinction entre le national et l'international, entre la nationale et l'étranger. Ce qui signifierait alors l'émergence de nouvelles structures. Pas seulement l'érosion, comme ça pouvait être le cas dans la deuxième acception du concept, mais l'émergence de nouvelles structures qui progressivement prendraient le pas sur les anciennes unités. Et notamment, ce qu'on peut lire chez Lash et Hurry, c'est une sorte de définition du global comme étant un réseau de flux, avec toute la capacité traversante que peuvent évidemment avoir les flux et l'incapacité des États, par exemple, ou des frontières, à venir arrêter les flux. Donc les flux transnationaux, supraterritoriaux, serait d'une certaine manière la matière première d'un nouveau système en train de naître et qui s'imposerait par sa propre transcendance. Dans cette nouveauté des sens et des acceptions, j'avais également prévu de je vais peut-être juste vous le signaler. Comme vous le savez, on a vu depuis une quinzaine d'années émerger, et encore plus maintenant, l'idée d'une histoire globale. Et je suis tombé un peu par hasard dans l'archéologie du savoir de Foucault sur la distinction qu'il fait entre l'histoire globale et l'histoire générale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il part du principe que l'histoire globale, dans ce qu'il définit comme histoire globale, est en train de disparaître. Parce que l'histoire globale, c'est une histoire qui est linéaire, qui est rectiligne, qui est homogène, et il la voit disparaître au profit de ce qu'il appelle une histoire générale, qui est ce qu'il appelle dans d'autres textes l'histoire effective, c'est-à-dire une histoire qui, elle, se fonde sur le discontinu, se fonde sur l'hétérogène, etc. Donc, l'archéologie du savoir, c'est en 1969. Je trouve qu'il est assez ironique de voir qu'il y a une discussion comme ça, avec d'autres acceptions, d'autres sens, bien évidemment, entre l'histoire globale et l'histoire générale. Donc je disais, dans ce deuxième mouvement, nouveauté des sens et des acceptions, et on voit bien là, avec les trois formes de concepts qui sont données par Bartelson, que dans cette décennie 1990-2000, on a affaire effectivement à trois sens qui semblent relativement nouveau par rapport au sens qui pouvait exister auparavant. Et enfin, dernière nouveauté dans ce deuxième mouvement, et là c'est quelque chose qu'il faudrait bien évidemment travailler, et certains ont commencé à le faire de façon très très sérieuse, c'est la question de la naissance, de la consolidation ou de l'accélération de certains phénomènes qui, par cette simple intensification, ont acquis une sorte de nature nouvelle. Je pense ici, bien évidemment, au développement des technologies permettant de réduire le temps nécessaire à la, au franchissement d'un certain nombre de distances géographiques, au point qu'on est arrivé, effectivement, au cours des années 1990, à des possibilités de quasi-ubiquité. Bien évidemment, quasi, parce que l'ubiquité en tant que telle n'est pas possible, mais où il devient malgré tout possible, d'une manière ou d'une autre, pratiquement, d'être en deux lieux à la fois, sans que se perde du temps dans la communication et dans la connexion. Alors, on pourrait considérer que finalement, ça n'est que le résultat d'une évolution qui, elle, est lente, du télégraphe au téléphone, à la télévision, etc. Mais il y a une hypothèse qui est proposée par Zygmunt Bauman, qui me paraît quand même tout à fait intéressante, qui consiste à dire qu'il y a un moment où cette évolution vers l'annihilation du temps nécessaire au franchissement de la distance, cette évolution devient si importante qu'il y a un saut qualitatif. C'est-à-dire qu'on passe à quelque chose qui est radicalement différent. Pour lui, c'est l'acte de naissance de ce qu'il appelle la société liquide. Par rapport à la société solide industrielle, la société liquide, la vie liquide, c'est cette vie qui serait caractérisée avant tout, pas pour tout le monde, pour les élites qui peuvent y avoir accès, même si, d'un autre côté, globalement, on sait que l'accès à Internet est sans doute la technique de communication la moins chère qui puisse exister. Pour lui, à partir du moment où il y a cette possibilité-là, on a un saut qualitatif qui fait passer dans une sorte de nouvelle forme de nouvelle forme de société. Donc je pense qu'il pourrait y avoir des moyens, et bien évidemment ça prendrait du temps, ça peut être quelque chose de collectif, et s'il y en a parmi vous qui sont intéressés pour participer à ce genre de choses, ils sont bien évidemment les bienvenus. Il y aurait des possibilités pour venir d'une certaine manière prolonger l'analyse qui avait été proposée par Dagorn, pour essayer d'aller voir plus loin dans les usages des termes, dans l'existence des idées sur le monde comme un, ou le monde comme un tout, mais aussi de penser une forme peut-être de radicale nouveauté, ou tout au moins de nouveauté de cette question, ou d'accélération, qu'il serait intéressant de pouvoir tenter de saisir de manière plus empirique, en voyant notamment les effets que cela peut avoir sur cette conceptualisation du monde comme un et sur les sciences humaines et sociales. Je vais finir très brièvement en essayant de poser quelques problèmes. Et vous voyez bien, par le caractère un peu décousu de tout cela, que j'ai plus de questions à vous poser que de réponses à véritablement vous apporter. Je vois quatre problèmes ou quatre questions qui me paraissent intéressantes à ce niveau-là de poser, ou plus exactement d'étudier. Si effectivement les usages de mondialisation, globalisation, globale sont antérieurs à ceux que l'on considère généralement, c'est-à-dire en gros sont antérieurs aux années 1980. Je prends un exemple. On estime qu'en sociologie, le terme commence véritablement à être utilisé par Roland Robertson au milieu des années 1980. Plus exactement, on estime que c'est 1985, le moment où on aurait une sorte d'usage comme ça un peu net. Sans aller chercher très très loin, j'ai trouvé en 1966, dans l'American Journal of Sociology, un article de Wilbert Moore qui s'intitule, je dois l'avoir quelque part ici, 66, Global Sociology, the World as a Singular System. Tout l'article, dont j'avais prévu de vous parler ici, mais je pense qu'il est plus intéressant qu'on puisse passer à des questions, tout l'article pose précisément cette question du rapport entre les unités que sont l'État et le système international, et comment sociologiquement il serait possible d'étudier ça, et comment il faudrait se donner la sociologie globale, au sens de la sociologie du monde global, comme un horizon à atteindre. On est en 66. Une des questions qui se pose du coup, en tout cas à moi à partir de là, c'est comment peut-on expliquer le moment où un concept prend. c'est-à-dire non pas le moment où il apparaît, non pas le moment où il est utilisé pour la première fois, mais le moment où il prend, comme une mayonnaise prend. J'arrive pas à trouver un autre terme. C'est-à-dire le moment où, véritablement, il va ensuite donner naissance à d'autres types d'usages. Le moment où il va être repris et le moment où il va enclencher quelque chose qui va pouvoir devenir cumulatif. Je pense qu'au-delà de la chasse à la première occurrence, qui est souvent une des tentations les plus faciles et les plus enivrantes et les plus vertigineuses de celui qui s'intéresse à ces questions de socio-sémantique historique, au-delà de cette chasse à la première occurrence, il y a véritablement un intérêt à essayer de comprendre quand il y a un déclic. Non pas le déclic qui se produit dans le cerveau ou sous la plume d'une personne, mais le déclic qui fait que d'autres vont s'en emparer. Et qu'à partir de ce moment-là, on a un concept qui va commencer à agir et à acquérir une sorte de vie propre, mais de vie propre au travers des différents usages que les uns et les autres vont en faire, et du coup, au travers des modifications qu'ils vont nécessairement y apporter au fur et à mesure de ces usages. Deuxième question, deuxième objet qui m'intéresse, c'est la question de l'anachronisme. Et je suis frappé notamment par la manière dont, dans un nombre croissant d'écrits, on voit se poser la question, mais finalement, on nous dit que la mondialisation, c'est quelque chose de radicalement nouveau, que le terme est radicalement nouveau. En fait, c'est utilisé depuis bien plus longtemps et il est facile de le prouver. Et un exemple très récent, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, le hors-série du Monde sur l'Atlas des mondialisations. C'est tout récent. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de lire à la page 3, l'éditorial donc, de Jean-Pierre Denis et de Laurent Greishammer, et qui nous disent que Karl Marx fut l'un des premiers à utiliser la notion de mondialisation. Et, je cite, « Dans une lettre à son correspondant privilégié Friedrich Engels, il s'enthousiasme, je continue de citer, là c'est Marx, « La bourgeoisie connaît une nouvelle renaissance, maintenant vraiment le marché mondial existe, avec l'ouverture de la Californie et du Japon au marché mondial, ça y est, nous avons la mondialisation. » Effectivement, c'est sûr que vu comme ça, on se dit, waouh, milieu du 19e siècle, Marx utilise le terme de mondialisation, bon, bah, voilà, ça y est, la messe est dite. Sauf que quand on va voir la lettre en question, c'est pas ce qu'il écrit. Quand on va voir la lettre en question, il nous dit, alors très honnêtement, là je l'ai récupéré en anglais, mais l'idée est exactement la même. Il n'utilise jamais le terme de mondialisation. Il nous dit « The proper task of bourgeois society is the creation of the world market, at least in outline, and of the production based on that market. Since the world is round, comme le monde est rond. » Voilà ce qu'il nous dit. Il ne nous dit pas « ça y est, nous avons la mondialisation ». Il nous dit « since the world is round ». The colonization of California and Australia and the opening up of China and Japan would seem to have completed this process. Ça, je trouve ça particulièrement intéressant. C'est-à-dire cette tentation d'aller chercher l'origine de l'usage du terme chez des gens qui ne l'utilisent pas. C'est-à-dire qu'il y a ici un phénomène par lequel on vient rattacher ce que souvent l'on considère comme une nouveauté a en fait quelque chose qui est radicalement bien connu. Je vous donne un autre exemple. Quand vous avez des ouvrages de sociologie qui concernent la sociologie globale, en particulier les ouvrages anglo-saxons, parce qu'en France, il n'y a pas tellement d'ouvrages de sociologie sur la sociologie globale. Très fréquemment, le premier chapitre de ces ouvrages consiste à dire... Les fondateurs de la tradition sociologique avaient déjà pensé le global. Et on vient nous chercher une ou deux phrases, généralement assez alambiquées, consistant à montrer que et Marx, et Durkheim, et Weber, et Simmel avaient déjà pensé cette question du mondial et cette question du global dans le sens que nous avons maintenant. Or, de manière générale, quand on les lit, quand on retourne ensuite véritablement au texte, on se rend compte que ce n'est pas de ça dont il est question. Ou en tout cas que ça n'est pas selon l'acception qui est devenue celle de mondial et de global maintenant. C'est-à-dire que le sens qui peut être utilisé par Durkheim, et c'est relativement rare chez Durkheim, très honnêtement, mais celui qu'on trouve par exemple chez Weber, c'est vraiment au sens de mondial. C'est-à-dire au niveau du monde. On n'a pas cette idée de l'existence du monde comme un tout, on n'a pas cette idée d'une connectivité croissante, on n'a pas cette idée d'annihilation de la distance qui deviennent véritablement les éléments de la définition, on va dire, actuelle, pour ne pas dire postmoderne, comme certains la présenteraient, de ce que peut être le global ou la globalisation. Troisième question, troisième objet. Je ne sais pas si la globalisation a lieu, si la mondialisation existe. Ce qui est certain, c'est que s'il y a une forme de globalisation ou de mondialisation qui est véritablement totalement perceptible, c'est celle que l'on voit au travers des disciplines. C'est-à-dire qu'au sein d'un nombre croissant de disciplines, la philosophie, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la science politique, on voit la cristallisation de ce concept de global et qui vient irriguer de plus en plus de nouvelles pistes. Et du coup, il y a une sorte d'effet de... Il y a un effet performatif de tout cela. C'est-à-dire que la croissance, l'émergence de cette catégorie de global au sein d'un nombre croissant de disciplines, où souvent ça devient une spécialité, sociologie globale, anthropologie globale, histoire globale, philosophie globale, je ne suis pas tout à fait certain, mais à mon avis, ça doit vraisemblablement exister aussi, ou ça existera dans relativement peu de temps. On a du coup la constitution d'une spécialité à l'intérieur d'une discipline, et l'un des effets de la création de ces spécialités est du coup de faire exister, d'une manière ou d'une autre, la mondialisation et la globalisation. C'est-à-dire qu'il y a une interaction ici très forte qui se fait entre le concept et ce que le concept est censé décrire, d'une manière ou d'une autre. Par conséquent, je pense qu'il y aurait peut-être un intérêt à tenter d'analyser, c'est vraiment ce que j'ai essayé d'esquisser ici, mais alors à traits absolument grossier. Je pense qu'il y aura un intérêt, du coup, à tenter d'analyser la mondialisation en tant que phénomène linguistique, sémantique et conceptuel. Pas seulement en termes de phénomènes historiques, économiques ou politiques, mais aussi comme un phénomène où de plus en plus de choses sont finalement inscrites à l'intérieur de l'horizon de ces termes-là. Jens Bartelsson, dans son article, a une expression qui me paraît assez significative. Il dit que finalement, le concept de globalisation, c'est une prophétie en quête d'autoréalisation. Donc pour montrer qu'on a quelque chose d'assez circulaire qui se produit ici. Ce qui ne veut pas dire que la mondialisation n'existe pas en tant que telle. Mais ça veut dire qu'elle est aussi partie prenante d'une transformation de notre vocabulaire, et que la transformation de notre vocabulaire est partie prenante de cette peut-être de ce changement à l'échelle mondiale, ou en tout cas de ce changement de perception de ce qu'est l'échelle mondiale. Et là, je pense que une des hypothèses de Robertson dans l'ouvrage qu'il publie en 1992, qui s'appelle Global Culture and Society. Il dit que finalement, une des dimensions fondamentales de la mondialisation, c'est la conscience croissante du monde en tant que tel. C'est-à-dire c'est une prise de conscience qu'il existe un monde en tant que monde et qui apparaît beaucoup plus près qu'il ne pouvait apparaître jusque-là dans le cadre d'horizons qui étaient souvent relativement fermés. Dernier objet qui me paraît intéressant, c'est de voir, je parlais tout à l'heure de la question d'une sorte de spécialisation à l'intérieur d'un certain nombre de disciplines, on voit aussi de plus en plus émerger quelque chose qui est une sorte de dissolution disciplinaire, qui consiste à penser qu'il peut exister un nouveau domaine disciplinaire, lui-même métadisciplinaire, et que ce nouveau domaine serait celui des Global Studies. Et là, il y a un certain nombre de... Alors, en France, globalement, à ma connaissance, ça n'est pas à l'agenda. En tout cas, je ne vois pas véritablement de choses en train de se développer de cette manière-là. Mais aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, où c'est également très très présent, on voit véritablement se développer cette spécialité disciplinaire qui présente cette particularité d'être métadisciplinaire, c'est-à-dire d'englober un grand nombre de disciplines sous une nouvelle étiquette, en considérant que finalement c'est un nouvel objet qui vient d'être créé, qui est présent et qui ne demande qu'à être étudié et à passer d'une certaine façon sous le microscope ou sous la lentille des chercheurs. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est inutile d'aller plus loin sur ce que j'avais préparé. J'ai déjà beaucoup parlé. Donc voilà en gros où j'en suis actuellement. Vous voyez que je n'en suis pas non plus très très loin par rapport à cette quête sémantique et conceptuelle de ce que ce terme et ce concept de global peut receler. Donc maintenant j'attends avec impatience vos retours et questions et éventuelles aides dans ce domaine. Il y a eu un mouvement très fort dans l'organisation à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, on est en termes de flux, justement, on est loin d'être au niveau de flux échangés en termes financiers, en termes économiques, de ceux du XIXe siècle. Donc, on est en retrait par rapport à cette mondialisation du XIXe siècle. Et que vous n'intégrez pas, en fait. Pour vous, il y a eu une naissance de la mondialisation à partir des années 60-80, alors qu'il y avait déjà une mondialisation supérieure au regard des critères qui sont fixés au XIXe siècle. Donc on devrait avoir au XIXe siècle une pensée déjà toute faite en matière de mondialisation. Et vous citez beaucoup d'auteurs qui pensent que non, pas du tout. Là, il y a même un saut qualitatif. Mmh. Oui. Or, on est encore en retrait. Oui, je suis entièrement d'accord avec ça, et c'est une des raisons pour lesquelles ce qui m'intéresse, c'est justement de comprendre pourquoi cette pensée de la mondialisation prend maintenant. Parce que vous dites, vous estimez que finalement la mondialisation, c'est les années 60. Non, moi je n'estime rigoureusement rien, parce que ça n'est pas, d'une part, ça n'est pas ma spécialité. Ce que je constate, c'est qu'en revanche, la prise en compte, si on peut la mesurer au travers de l'usage d'un certain nombre de termes, semble véritablement se développer à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Ça n'est pas pour dire que la mondialisation commence à ce moment-là ou qu'elle commence plus tard, etc. Il y a effectivement tout un tas d'auteurs qui ont développé l'idée selon laquelle, pour certains, la plus grande mondialisation, c'est celle qui se déroule à partir des grandes découvertes. D'autres, pour lesquels, c'est justement à la fin du XIXe siècle. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. C'est simplement, ça ne permet pas, du coup, de comprendre pourquoi c'est maintenant que justement, à la fois ces termes et tout l'arsenal, toute l'architecture conceptuelle qui va avec, prend. Alors que précisément, si on analyse les données dont on dispose, on a effectivement beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de flux, y compris en termes migratoires. Par exemple, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, toute proportion gardée, hein, c'est-à-dire au regard de la population de cette époque, qu'il n'y en a maintenant. Donc, si vous voulez, je ne prends pas en compte ça, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas je ne fais pas une histoire de la mondialisation en tant que phénomène, parce que je serais incapable de le, euh, de le faire. Ce à quoi j'ai tenté de m'intéresser, et avec finalement un certain nombre de résultats qui sont encore très très très très faibles, c'est à l'émergence d'une pensée qui articule cette question du global et du mondial. Or, je suis frappé de voir, comme vous, qu'elle ne débute pas à la fin du 19e siècle. Ce qui débute, au contraire, à la fin du 19e siècle, par exemple, c'est beaucoup plus la prise en compte du monde comme étant international, en revanche, c'est-à-dire comme étant un monde d'État, et pas avant tout comme étant un monde d'échange. C'est ça qui véritablement me frappe. Par contre, je n'ai aucune explication à cela. Je ne sais pas comment on peut expliquer qu'il y ait une telle désynchronisation, d'une certaine façon, entre l'existence d'un état d'échange extraordinairement soutenu, en particulier à la fin du 19e siècle, et d'un autre côté, un quasi... À ma connaissance, peut-être que d'un autre côté, on va découvrir que c'était sous d'autres termes que c'était présenté, quasi-absence de réflexion sur les éventuels changements ou sur les éventuels effets que pourraient avoir ces échanges. Peut-être parce qu'il y a justement quelque chose de nouveau ou de différent dans les échanges qui se déroulent depuis, je sais pas, 2 décennies, 3 décennies, 4 décennies, je n'en sais rien. Qui fait qu'ils ont, permis ou ils ont rendu possible le développement d'une pensée qui est relativement nouvelle par rapport à celle qui existait auparavant. J'ai l'impression que le 19e siècle est véritablement beaucoup plus obsédé par l'action de l'État que par la question du monde en tant que tel. Mais ça resterait à prouver. Oui, oui. Dans le cadre de l'immunologie, je ne sais pas, peut-être en parallèle, on est censé s'intéresser à un mot, mais en fait, on se rend compte que dans le discours, le mot de mondialisation et de globalisation sont interchangeables. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que cette interchangeabilité, elle existe en anglais? Et si elle n'existe pas en anglais, pourquoi en français, on a interchangé le mot de monde par rapport au mot global? C'est une très très bonne question. En anglais, globalement, ils n'utilisent que globalization comme processus. Sinon, vous avez l'usage de world avant un autre substantif, par exemple world system ou world history. Mais par exemple, world history et global history sont deux manières complètement différentes de penser l'histoire. L'histoire mondiale, qui globalement prend plutôt la forme de ce qu'on appelait traditionnellement l'histoire universelle, et de l'autre côté, une histoire globale qui, elle, serait une histoire connectée, plus interdépendante, l'histoire des rencontres, etc. Pourquoi est-ce qu'en français c'est comme ça ? Exactement, je ne sais pas. Globalisation intervient plus tard, avec les mêmes sens. Hein. Globalisation me semble intervenir plus tard que mondialisation. Au début des années 90, le mot qui s'impose, c'est mondialisation. Dagor ne propose dans son article une très utile évolution des usages du terme de mondialisation dans le journal Le Monde. Et il montre bien que le changement quantitatif très important se produit aux alentours des années 95-96. C'est mondialisation qui est utilisée avant tout. Ça n'est que par la suite, mais alors là, moi je n'ai pas suivi ça de manière précise, que plusieurs personnes vont tenter de faire la différence entre la mondialisation d'un côté, la globalisation de l'autre. Je vais par exemple vous donner un exemple. Chez Grataloup, on a 3 termes. On a planétarisation, mondialisation et globalisation. La planétarisation serait le premier processus, c'est celui qui correspond à la diffusion d'Homo sapiens sur l'ensemble du territoire planétaire. La mondialisation, ça serait la mise en place de systèmes d'échange permettant de parcourir l'ensemble de la planète. En revanche, la globalisation, à l'intérieur de cela, sera un phénomène beaucoup plus récent que Gratalou, date plutôt des années 1990, et qui sera en quelque sorte l'accélération et l'intensification de ces échanges via le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc là, on aurait encore trois processus qui sont distincts, et je suis sûr que si on faisait une petite recension, sans même qu'elle soit très très très poussée, je pense qu'on pourrait assez facilement arriver à 4, 5, voire 6 définitions distinctes en français des différences entre mondialisation et globalisation. J'en suis à peu près persuadé. Là, je n'ai pas les éléments permettant d'expliquer pourquoi cela s'est passé comme ça. Mais je regardais encore ce matin le dictionnaire des mondialisations qui a été publié par sous la direction de Cynthia Gora-Gobin, et c'est Gratalou qui fait les trois définitions: planétarisation, mondialisation et globalisation, et on a cette stratification que j'ai mentionnée. Chez Abeles, par exemple, on trouve aussi la distinction entre mondialisation et globalisation, qui, à ma connaissance, n'est pas véritablement perceptible en anglais. Worldization est utilisé par certains, mais à ma connaissance, n'est pas utilisé pour distinguer worldization de globalization. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Oui ? Oui, sur ces termes-là, c'est beaucoup aimé l'explication que vous avez fournie. Il y a une ou deux choses, une ou deux questions ultérieures. Évidemment, en français, c'était mondialisation qui fonctionnait. Global avait un autre sens. À un certain moment donné, le terme américain l'emportait. Mais, le global évoque peut-être pour les Français une idée de globe, de planète. Alors, il y a une idée qui n'est pas intervenue dans votre discours, mais bon, vous y avez certainement pensé, c'est, disons, le rapport à l'écologie. C'est-à-dire que, bon, il arrive un moment où on ne pense plus simplement le genre humain comme tel, le monde, ça veut dire aussi le genre humain. Dieu a sauvé le monde, c'est le genre humain. Bon, des vieilles, mais on commence à penser que l'espèce humaine fait un avec son environnement, et à ce moment-là, peut-être, ça prend un autre sens. Mais peut-être vous pouvez nous éclairer là-dessus. Alors, une autre question, c'est sur ces préfixes anglais, world, ou en allemand, Welt. C'est une longue histoire. Et je pense que vous avez raison de dire qu'il y a une certaine rupture entre ces termes en globalisation, mondialisation, et les préfixes Welt, world, etc., parce que mondialisation, globalisation, ça définit un processus. Tandis que l'autre... Mais en même temps, est-ce que ces usages de world ou de rêve, qui sont assez anciens, enfin, qui n'ont pas la nuit des temps quand même, mais on peut penser à Kant, qui se pose la question de Weltstaat, d'un état mondial, un état monde presque. Évidemment, c'est quand même dans l'idée d'un processus, l'idée d'une idée régulatrice vers laquelle on va ou on ne va pas. Et alors, peut-être il n'y a pas une différence absolue. Alors, de même chez Marx, ce que vous avez dit est très intéressant, mais d'un autre côté, bon, j'en parle d'autant plus que je suis avec quelqu'un qui travaille plus avec moi et qui fait une thèse sur Marx et la mondialisation. Et pour elle, c'est une très brillante chercheuse italienne, ça ne fait pas de doute que Marx est l'inventeur de la mondialisation. Et la thèse va être très très bonne. Ce n'est pas complètement faux, du reste, parce que, comme le dit très bien Arrighi, du reste, il y a une sorte de rupture entre Marx et Ricardo et Smith, en ce sens où Smith et Ricardo s'intéressent à la richesse des nations. C'est-à-dire il développe une discipline qui a pour but d'apprendre aux États aux nations, comment elles peuvent être riches, tandis que Marx rompt complètement avec cette... Il ne s'intéresse pas à la richesse des nations, il fait totalement abstraction du rapport entre les nations, il ne s'intéresse qu'au rapport entre classes. Ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui ne les possèdent pas. Et il le définit d'emblée, bien sûr, c'est une certaine structure sociale, mais il la définit comme cette structure, elle a une tendance historique, et cette tendance historique, elle est absolument mondiale. C'est-à-dire que Marx sort l'analyse économique de la nation et la pose sur le monde. Il est d'emblée un penseur d'un processus de développement mondial irrésistible, en quelque sorte. Alors, bon, ça fait sa force, je pense. Il y a beaucoup d'enthousiasme chez les marxistes pour cette idée. Moi, je pense que c'est un enthousiasme très exagéré, parce que il y a aussi beaucoup de vrai chez les classiques, c'est-à-dire que les économies capitalistes se développent à l'intérieur des nations. Et donc, quand les nations se dissolvent un petit peu, disons, à partir des années 80, il se passe quelque chose d'absolument nouveau qu'on peut appeler la mondialisation, dans un certain sens. Et disons, l'analyse de Marx ne peut pas nous informer. Alors donc, je pense que Marx est quand même très grand, parce que c'est lui qui développe, bon, on va vers la grande république marchande, ça c'est son terme, et alors aussi la victoire du temps sur l'espace, tout ça c'est des thèmes. Mais bon, alors, je ne veux pas être trop long, mais je crois que Marx, il ne peut pas nous faire comprendre en ce sens le processus du néolibéralisme, dans lequel le libéralisme qui était tempéré à l'intérieur de chaque nation, quand les nations se dissolvent, son fantasme est complètement libéré, et donc, voilà, il se passe un monde croit lisse, etc. Et, alors, il y a juste quand même, chez les marxistes, il y a quelque chose d'intéressant qui quand même se rapporte à votre sujet, me semble-t-il. Vous y avez fait allusion, du reste, à plusieurs reprises, ce sont les émergences des théories du système monde, bon, qui s'origine pour une part chez Braudel, mais enfin Braudel, c'était quand même l'économie monde européenne. Donc, à partir des années 60, les tiers-mondistes, des gens comme Prebisch, André Gunther Frank, Samir Amin, ont développé l'idée qu'il fallait prendre l'économie à l'échelle du monde, comme échange inégal, l'accumulation à l'échelle mondiale, etc. Bon, ils ont été à l'origine des théories du système monde, Wallerstein, Arrighi, etc. Évidemment, ce sont des géographes historiens. Bon, ils utilisent les concepts marxistes, beaucoup plus forts, beaucoup plus que Jacques Lévy, etc. Mais d'une certaine manière, je pense qu'ils font partie du débat, d'une certaine manière, parce qu'ils posent la question. Il faut bien dire que dans toutes les. Enfin, bon, il y a des gens comme Toynbee, qui sont quand même plutôt des philosophes de l'histoire, malgré tout. Des gens qui ont essayé de se lancer du côté d'une histoire scientifique, bon, ils ont beaucoup de peine à faire une histoire générale. Et chez les marxistes, par exemple, les histoires sont toujours nationales, etc., bizarrement. Tandis que Wallerstein dit, bon, on n'a jamais fait d'histoire à l'échelle du monde, et alors il y a toutes ces écoles géographiques avec Harvey, etc., qui s'intéressent au monde aussi. Enfin, bon, c'est pour vous dire, je trouve que le sujet que vous avez choisi est tout à fait passionnant, et moi je ferai plaisir à venir vous écouter, parce que j'ai appris beaucoup de choses en vous écoutant déjà ce soir. Mais alors, les petites questions qui se posent à moi, c'est sur le rapport, est-ce qu'il y a, au moment de la mondialisation, il n'y a pas, enfin, disons, entre guillemets, est-ce que c'est une mondialisation? Je crois quand même que ça n'a rien à voir avec la situation du 19e siècle. J'ai déjà entendu plusieurs économistes me dire en 1900, voilà, le commerce international était déjà, l'emportait beaucoup sur le commerce local. Mais à mon avis, c'est vraiment une fantaisie totale. Parce que, disons, en 1900, en 1880 encore, 90% de la population au monde était des paysans, qui à 90%, disons, vivaient dans un cercle de 10 ou 15 kilomètres. Donc les échanges étaient extrêmement restreints, ils autoconsommaient, il y avait des dons, etc. Donc voilà. Alors, évidemment, si on comparait le commerce international par rapport au commerce national, il pouvait avoir une importance que l'on peut comparer avec celui d'aujourd'hui. Mais ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'habitation d'un Sénégalais dans la grande ville de Dakar, où on va voir que la plupart des objets viennent d'ailleurs, etc., tandis qu'un siècle plus tôt, tout venait de chez lui dans un espace de 10 km. Alors évidemment, ça lui donne une conscience du monde, à juste titre, complètement différente. C'est pourquoi la mondialisation, c'est quand même... Bon, je pense que vous avez choisi un sujet formidable, là. Merci, je pense que je vais vous décevoir sur plein de points, notamment parce que, très honnêtement, la question du rapport à l'écologie, non, j'y ai pas pensé. Non, en tout cas, en préparant, non, c'est effectivement, je n'y ai pas pensé, et je pense que vous avez entièrement raison, je pense que c'est un point c'est un point capital à prendre en compte à ce niveau-là. Donc, merci de l'idée. Sur Marx et la mondialisation, je pense que c'est à peu près sans fin comme débat, mais c'est intéressant de poser bien évidemment la question. Et notamment, ça, je pense que ça amène à cette idée, est-ce que finalement, et c'est peut-être en ça que mondialisation n'est pas forcément toujours le terme approprié et peut-être un terme moins juste que globalisation, d'une certaine façon. C'est que j'ai l'impression qu'effectivement, chez Marx, on a affaire à une prise en compte de phénomènes qui sont potentiellement mondiaux. Et notamment tout ce qui peut relever de la lutte du prolétariat, effectivement. Et c'est un des premiers, à mon sens, à pouvoir penser l'existence de liens de solidarité qui traversent les frontières et qui sont capables de créer des modalités d'action dont on dirait aujourd'hui qu'elles sont trans-étatiques ou transnationales. Est-ce qu'en revanche, on a chez Marx ce qui souvent est présent dans les usages de globalisation, on va dire, depuis les années 1990, c'est-à-dire cette idée d'une connectivité, cette idée d'une interdépendance, cette possibilité de pouvoir aller chercher en un lieu d'avoir le résultat de processus qui en eux-mêmes sont globaux, ça je ne le pense pas. Mais d'un autre côté, comment l'aurait-il pu aussi ? Je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas justement quand même un certain nombre de transformations fondamentales, structurelles, entre le milieu du 19e siècle et la fin du 20e. Donc, en tout cas, ça m'intéresse vraiment de savoir ce qui peut être dit de manière pointue sur la question de Marx et la mondialisation. Mais je ne suis pas certain qu'on ne soit pas plutôt du côté d'une échelle finalement mondiale, mais qui reste celle d'une échelle mondiale et qui n'implique pas la naissance d'interdépendance, la naissance d'interaction entre les différents niveaux et les différentes régions qui sont concernées. Mais bon, je ne m'avancerai pas. Juste un petit point là-dessus. Oui. Moi, je crois que si. L'idée de Marx, c'est que le monde est. Marx est très influencé par les libéraux, à mon avis. Beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il se représente que bon, l'économie capitaliste est une économie marchande. Marchand capitalisme, mais rigoureusement marchand. Donc elle a une potentialité à tout détruire, tous les États, et le monde est en train de devenir un marché mondial. Bon, c'est pour une part une illusion du reste. Mais c'est une illusion. Parce que, bon, on peut dire peut-être qu'il a anticipé, il a peut-être anticipé 2 ans, mais en se trompant lourdement, c'est-à-dire que les économies capitalistes ont toujours été fortement intégré par l'État, lié à la nation, au nationalisme, etc. Mais lui, ce n'est pas son idée. Lui, c'est nettement l'idée que, du reste, il y a un livre qu'il n'a pas écrit, c'est Le marché mondial, mais auquel il a beaucoup déjà travaillé. Donc il a anticipé par une sorte de prophétisme, si on peut dire. Bon, il y a du bon et du moins bon dans son prophétisme, parce qu'il n'a pas du tout vu l'autre fait, la capacité. Il n'y a pas simplement le marché, mais il y a l'organisation. C'est l'autre grande modalité de coordination à l'échelle sociale, l'organisation par État, etc. Donc ça, il n'a pas du tout vu. Donc il est d'emblée dans un monde qui est complètement marchand. Alors, donc il a une grande actualité aujourd'hui, mais c'est une actualité qui est suspecte, même, et qui est... donc on ne peut pas trop se gargariser, si vous voulez, si on se réclame de Marx, comme c'est mon cas. Il y avait juste un dernier point, et après je vous passe la parole. Quand vous parliez justement de l'usage de Welt en allemand avec l'idée de Weltstaat chez Kant, on a aussi chez Goethe, un petit peu plus tard, l'idée de Weltliteratur qui émerge également et qui est quand même un concept assez, assez intéressant aussi. Oui ? Oui ? La démarche méthodologique, ça, c'est un gros projet, un vaste projet de recherche. Donc il y a tout le côté recherche, effectivement, de quand, à quand la thème, pourquoi est-ce qu'il est utilisé, etc. Et dans ce sens-là, je me demandais s'il y a un retour vers les acteurs, enfin, tout simplement aller voir les acteurs qui portent ce mot-là qui ont été le véhicule, qui sont le véhicule de ce mot-là, ne serait pas nécessaire. Si, sans doute. Mais si, si, vous avez entièrement raison. La seule chose qui se passe, c'est que ce n'était pas censé être un programme de recherche. C'est-à-dire qu'initialement, c'était censé être une simple communication dont je ne percevais rigoureusement pas la difficulté réelle et dont il me semblait qu'une fois que ce serait fait, ben voilà, point. Je pouvais passer à autre chose. Et c'est au fur et à mesure du travail que je me dis qu'il y a peut-être quand même plus à faire que ça. Peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est complètement infaisable, peut-être que c'est totalement sans fin. Mais en tout cas, dans l'hypothèse où ça deviendrait un programme de recherche, il est évident que cette question, oui, des acteurs peut être intéressante, puisque pour un certain nombre d'entre eux, tout au moins les plus contemporains, ils sont encore, alors que ce soit acteurs militants, parce que notamment c'est aussi, il y en a beaucoup qui vont utiliser ce terme relativement vite, ou que ce soit acteurs académiques, là il y a des choses à faire. Bien sûr, oui. Mais alors ça, je n'ai absolument pas touché du tout pour le moment. Mais vous avez raison, ça peut donner prise, donner lieu à une enquête aussi assez contemporaine pour voir la manière dont ça se diffuse. Et notamment cette question des organisations internationales, vous mentionnez l'OCDE, est à mon avis tout à fait capitale. Parce que ces institutions jouent un rôle absolument incroyable dans la diffusion du vocabulaire. C'est très très net. Personnellement, moi, j'ai pu le constater avec le terme de diaspora. À partir du moment où la Banque mondiale et l'Organisation internationale pour les migrations s'en emparent à partir du début des années 2000, pas avant, ils le répandent littéralement partout et organisent avec les nouveaux États, les États nouvellement créés, qu'il s'agisse de ceux qui sont nés de l'ancienne Yougoslavie, qu'il s'agisse de ceux qui sont des nouvelles républiques issues de la désintégration de l'Union soviétique et de la CUI, ils viennent répondre auprès de ces nouveaux États par l'intermédiaire d'arrangements, de négociations, tout un vocabulaire qui vient leur imposer la mise en place de politiques envers leurs expatriés, mise en place de systèmes de double nationalité, de vote depuis l'étranger, etc., etc., et qui sont inscrits à l'intérieur de ce terme-là. Donc je pense qu'il y a aussi toute une idéologie, sans parler d'un complot ou d'une vaste conspiration, hein, mais je pense qu'il y a une idéologie plus ou moins latente, plus ou moins explicite, qui est véhiculée par l'intermédiaire de ces organisations, mais où j'aimerais savoir la manière dont ça se passe. En gros, pour Diaspora, j'y suis parvenu, mais là, je ne sais pas vraiment comment le faire. Ce qui m'intéresse, c'est comment ce mot arrive dans ces institutions. C'est par qui ? Est-ce que c'est par l'intermédiaire d'experts jouant le rôle, d'une certaine façon, d'intermédiaire entre le monde de l'expertise internationale et le monde savant ? Ça, je ne sais pas. Et je pense qu'il pourrait y avoir un intérêt à tenter de dénicher un petit peu cette population qui fait naviguer, qui fait voyager les mots pour les faire parvenir dans ces instances qui ensuite jouent véritablement un rôle, à mon avis, fondamental de diffusion de ce lexique. Oui. Merci pour cette présentation. Moi, j'aimerais comprendre, lorsque vous présentez la globalisation comme un processus et vous intéressez à l'histoire de son inception, de son sens, est-ce qu'il n'est pas envisageable d'y intégrer la question des échelles, participant à construire l'idée de processus, à savoir, est-ce qu'il n'est pas possible de considérer les phénomènes d'internationalisation comme participant au processus de globalisation, puisqu'on est dans l'idée de processus. Est-ce que s'intéresser à l'évolution de l'acception du mot implique forcément de considérer le moment où le mot est prononcé, l'usage du mot. Elle demande, enfin, je pense que la question de que cette évolution de sens amène à sortir du cadre de l'usage du mot pour voir, repérer les moments historiques dans lesquels cette perception se construit et peut-être réclame un non-usage du mot, mais se construit comme quelque chose qui mature, une idée qui a besoin de passer par certaines étapes avant d'émerger et de donner lieu à ce terme-là. Deux points. Internationalisation, bien évidemment, peut en faire partie. D'ailleurs, comme le signale Bartelson, quand il prend le second concept, qui est celui de transformation, je crois, il prend en compte cette question de... Non, c'est dans son premier concept, pardon, celui de transfert, il prend en compte cette question de l'internationalisation, en disant que finalement, on peut aussi comprendre la globalisation comme étant cette interdépendance croissante entre unités constitutives du système, dont... C'est d'une certaine façon ce que vous appelez et ce qu'il appelle également l'internationalisation. Sur la question, les mots et la chose, d'une certaine façon, est-ce que pour qu'il y ait un mot, il ne faut pas déjà qu'il y ait quelque chose qui préexiste ? C'est une question sans fin. C'est pas une réponse. La seule solution que j'ai, que je me sens capable éventuellement de pouvoir tenir, c'est celle qui consiste à, et je sais bien que c'est pas forcément une position très glorieuse, c'est celle qui consiste à ne pas me poser la question de savoir ce qu'est la mondialisation réellement. Parce que, à mon avis, si on se lance dans une entreprise qui est de type sémantique, ce qui ne signifie pas que ça n'est que sur le langage, puisqu'il s'agit aussi de repérer des processus par lesquels le langage est créé, par lesquels le langage devient possible, par lesquels le mot devient possible, mais aussi les effets qu'il crée sur la réalité qu'il prétend décrire. Si on veut faire ça, je pense qu'on est obligé de s'abstraire d'une prise de position sur ce que signifie le mot réellement. Je pense, hein, je dis pas que c'est une position meilleure que n'importe quelle autre, mais j'ai l'impression que avec un terme comme celui-là, qui est autant débattu, avec autant de définitions et d'acceptions différentes, si moi j'en choisis une, en me disant, ben voilà, la mondialisation c'est ça, maintenant je vais tenter de repérer ce qui se passe à partir de ça, c'est comme si je laissais de côté toutes les autres. Donc j'ai l'impression, en tout cas, j'ai pas de meilleure solution. C'est surtout ça, c'est plutôt par défaut. J'ai l'impression que la seule véritable solution, c'est de se concentrer sur les usages de ces différents termes. Mais bien évidemment, j'ajoute immédiatement, qu'on ne peut se concentrer dessus qu'à partir du moment où on se donne pour objectif d'étudier les conditions de possibilité de l'émergence de ces termes. Ce qui nous ramène à ce que vous disiez, c'est-à-dire au bout d'un moment, effectivement, il y a cette question de la compatibilité ou de la synchronisation entre les phénomènes que l'on peut constater et la manière dont on les décrit. J'ai l'impression que si on prend les deux ensemble, en tout cas, moi, je ne saurais pas comment faire. Je ne sais pas comment je pourrais faire pour réussir à tenir ces deux voies ces deux voies ensemble. Ça n'implique pas de renoncer à la question du processus, mais cette fois-ci, ce sont les processus qui sont liés aux conditions de possibilité de création de ces mots et de diffusion de ces mots, et pas tellement sur la réalité des échanges, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'à la limite, il est tout à fait possible de présenter la réalité d'échange, ça c'est statistiquement tout à fait possible. La question c'est quel mot, quel accepte, quel sens leur donne-t-on. C'est exactement comme quand on parle de Marx et la mondialisation. Je veux dire, on frise sans arrêt l'anachronisme en se demandant est-ce que c'en est, est-ce que c'en est pas. Est-ce que ça mérite la médaille mondialisation, est-ce que ça mérite le label ou est-ce que ça ne le mérite pas. Moi je ne peux pas me tirer d'une situation comme ça. Personnellement, j'y arrive pas. Vous avez une certaine idée, parce que quand vous évoquez Nikola Tesla, il y a en gros une idée qui serait une sorte de globalisation par connexion, unification, alors qu'on pourrait dire aussi que Marx théorise mieux une sorte de diffusion d'une globalisation économique. Oui, non, mais justement, je pense que si véritablement ça devenait un programme de recherche, ces éléments devraient être pris en compte. Et peut-être d'ailleurs être pris en compte d'une autre façon, c'est-à-dire en essayant de comprendre pourquoi ils n'utilisent pas le terme, d'une certaine manière. C'est-à-dire non pas une condition de possibilité, mais une sorte de condition d'impossibilité. Du terme. Parce que parfois, quand on lit certains auteurs, on se demande pourquoi justement le terme n'est pas là, alors qu'il semble tout près. La première fois où j'ai lu le texte de Toynbee que je vous ai signalé, je m'attendais à ce que le terme arrive, il est logique, il parle de communauté globale, il parle du monde comme une seule et une cité, on s'attend à ce que le terme arrive. Et il n'est pas là. D'une certaine manière. Bien sûr, si ça devenait un programme de recherche, il est évident que... Et très honnêtement, Nikola Tesla, moi, ça m'intéresse de plus en plus. Donc je me dis qu'il y a peut-être aussi quelque chose à aller voir du côté de ce bonhomme, parce que franchement, pour moi, c'est une totale révélation. Donc ça mène peut-être à rien, mais je trouve ça assez incroyable. Ça paraît difficile à la fois d'interroger les usages d'un terme et tous les sens, parce que c'est un terme qui est polysémique en fait, globalisation, mais est-ce que justement interroger dans votre projet quelque part de comprendre comment c'est créé une sorte d'armature conceptuelle, comme vous le disiez, autour de ce concept qui a fait que la mayonnaise a prise et puis qu'aujourd'hui il est utilisé, mais est-ce que interroger les usages d'un terme n'implique pas automatiquement d'interroger le sens qui est donné, le sens du terme, dans la mesure où il renvoie à des réalités qui existent, c'est-à-dire il nomme des réalités. Donc est-ce que vous n'êtes pas obligé quelque part d'interroger la définition même du terme de mondialisation, de globalisation et de tous les autres termes, qui peuvent être utilisés aussi localement? Je pense par exemple à un article de Jackie Asaya qui travaille sur l'Inde, donc je suis en ethnologie, hein, je précise, et qui parle lui de la glocalisation. Ah oui. Voilà. Dubois, par exemple, dans cet article, c'est un article publié dans la revue Le Terrain sur une histoire de missement dans l'Inde qui est très intéressant. Lui, il interroge justement la question de la glocalisation. Et voilà. C'est-à-dire qu'interroger les usages et le moment où c'est construit, les termes, c'est vraiment intéressant, mais dans la mesure où ça nomme une réalité, où ça fait écho à des réalités. D'ailleurs, l'idée de méthode de partir de ces institutions est assez intéressante aussi, puisque ça renvoie vraiment à des réalités complètement construites. Un jeu de va-et-vient entre, aussi, il me semble, des définitions académiques de globalisation, des travaux d'économistes, des travaux de sociologues, des travaux d'ethnologues, d'historiens également, qui font écho aussi à... qui se retrouvent dans des rapports de l'OCDE. Ouais. Je ne peux que souscrire à ce que vous, vous dites, ou plus exactement à une partie de ce que vous dites, quand vous dites il faut, du coup, est-ce qu'il ne faut pas interroger toutes les acceptions? Et du coup, j'ai l'impression qu'effectivement, il faudrait interroger toutes les acceptions. Mais... par conséquent, est-ce que ça n'implique pas de ne pas en choisir une pour soi? Mais est-ce que, pour rebondir sur ce que vous disiez justement, est-ce que dans la façon dont vous définissez votre projet, vous n'avez pas, je veux dire, d'une certaine façon, accepté une certaine définition de la globalisation? Peut-être. Quand vous parlez, par exemple, de l'extension des frontières, je sais plus, ou du développement des technologies de communication, par exemple, dans cette façon justement de rechercher là ce que pourrait être la mondialisation. Oui, mais je pense que c'est pas un choix déjà a priori. Je ne suis pas sûr que ça soit un choix. Je pense que c'est c'est un des domaines qui est englobé dans dans l'intégrale, d'une certaine façon, des définitions qui existent actuellement de ce qu'est la mondialisation ou la globalisation. Donc bien évidemment, c'est quelque chose à interroger. Ça n'implique pas que je considère que la globalisation, ça n'est que ça, ou que la mondialisation, ça n'est que ça. Je me rends bien compte en vous le disant que c'est une réponse bancale, parce que je n'ai pas totalement de réponse à ça. Je pense qu'il y a un horizon, on va dire. Voilà. Il y a une espèce d'idéal asymptotique qui est de dire je n'ai pas de définition. Voilà. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 10 ans sur Diaspora. À chaque fois que j'avais un colloque, une réunion, un séminaire comme celui-là, la première question qu'on me posait, c'était « Bon, bah d'accord, tout ça, c'est bien joli, mais pour vous, une diaspora, c'est quoi ?» Et ma réponse était toujours la même, « J'en sais rien. » Mais c'est la question qu'on pose à tous les spécialistes de l'histoire des concepts, quel que soit le phénomène. Et voilà, exactement. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait une autre réponse que « J'en sais rien. » Parce qu'à mon avis, si on dit « C'est ça », j'ai l'impression qu'on démolit tout ce qu'on a dit avant. C'est mon impression, je peux totalement me tromper, mais moi j'ai l'impression que si je dis ah bah c'est très simple, une diaspora c'est blablabla, blablabla, ou la mondialisation c'est blablabla, blablabla, c'est exactement comme si je niais tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait auparavant. Mais encore une fois, c'est une tension. C'est une tension de recherche. Et on en a tous des tensions comme ça, où on essaye de faire du mieux qu'on peut, mais dans les faits, bah, on n'y arrive jamais totalement, surtout quand le projet dure des années. Alors, vous parlez de Jackie Assayag et de l'usage de glocalisation. C'était une des choses dont j'avais prévu de vous parler et que j'ai préféré laisser de côté. Ce qui est intéressant, c'est que glocalisation, c'est à la fois c'est une invention de Robertson, et d'un autre côté, Robertson la présente comme la traduction d'un terme japonais qui est un terme d'économie, qui signifie la manière dont finalement ce qui se passe au niveau mondial ressurgit au niveau local. Donc, alors le terme japonais, je n'en suis pas totalement certain, mais je crois que c'est Dosha Shoka. Faudrait vérifier ça, il me semble que c'est ce que Robertson présente, et il forge à partir de ce terme-là le terme de glocalisation. Ce terme de glocalisation, il est important à mon avis, au-delà du fait qu'il est affreux en tant que terme et en tant que concept, je pense qu'il est vraiment intéressant parce qu'encore une fois, il permet de venir articuler deux choses qui paraissent totalement contradictoires. C'est le fait que justement, le global, ce n'est pas une échelle. Vous parliez d'échelle et je n'ai pas rebondi là-dessus tout à l'heure. Le global, ce n'est pas une échelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un niveau local au-dessus duquel il y aurait un niveau national, puis un niveau régional, puis un niveau global. L'idée qu'il y a chez Robertson à l'intérieur de ça, c'est de dire qu'il y a un niveau qui serait mondial, éventuellement, mais que le global, ce n'est pas le mondial. Le global, c'est... D'une certaine façon, on peut trouver le global dans n'importe quel endroit. Parce que ça serait d'une certaine façon l'empreinte, la trace laissée par quelque chose qui vient d'ailleurs, qui s'est produit ailleurs et qui d'une certaine manière ne peut être expliqué que comme ça. Je ne sais pas, l'ethnographie d'un fast-food américain à Bangalore, même si c'est une ethnographie totalement micro, serait nécessairement une ethnographie qui prend en compte une dimension glocale. Par le fait qu'il y a des arrangements. Parce que McDonald's est sans doute une firme mondiale, mais que l'implantation d'un McDonald's à tel et tel endroit, c'est pas... l'implantation d'un McDonald's à Sumatra ou à Bangalore ne sera pas de la même manière. Ce ne sont pas les mêmes produits qui seront proposés. Ou plus exactement, à la fois ce seront les mêmes et quand même ce ne seront pas tout à fait les mêmes. Parce qu'il y a justement une sorte d'interaction, de travail, d'arbitrage qui se fait entre ce qui vient de l'extérieur, entre la volonté de présenter une palette qui généralement est la même partout, et d'un autre côté, malgré tout, une certaine forme d'adaptation à ce qui se passe ou à ce qui est censé être la culture locale, qui souvent d'ailleurs n'est pas nécessairement la culture locale, mais qui est la vision que l'on a de ce qu'est la culture locale. Ce qui veut dire que le global peut s'étudier au niveau local. et que c'est pas nécessairement une échelle en tant que telle. C'est aussi un, déjà ça peut être un point de vue qu'on jette dessus, et puis ça peut être aussi tout simplement le produit d'interactions, dont certaines interactions venant de plus loin viennent modifier l'existence de ce qui se passe à un niveau qui lui apparaît comme étant local, parce qu'on peut le définir, on peut le circonscrire, on peut en faire un objet d'enquête. Personne ne sait où se trouve le global. S'il fallait étudier le global, on commence par où ? Je pense que c'est une des hypothèses très très fortes de Bruno Latour, quand il écrit « Changer la société, refaire de la sociologie ». C'est une des hypothèses très fortes, à mon sens, et qui, jusqu'à présent, je trouve, a été vraiment totalement évacuée par la plupart des sociologues, celle qui consiste à dire que, généralement, ce que l'on va appeler global n'est quand même que le résultat, l'accumulation, l'addition d'un certain nombre de petits processus qui se sont tous déroulés à un endroit. Parce qu'en fait, tout se déroule à un endroit. Rien ne se déroule nulle part. D'une certaine manière, tout est local. Mais ce local-là peut être analysé de bien des manières, avoir des sources, des sources et des origines bien, bien différentes. Donc c'est pour ça que je trouve. Moi, je suis assez intéressé par ce terme de local, parce que je trouve qu'il permet de dire ça. Mais d'un autre côté, souvent, ça devient un peu un mantra. Ça devient, voilà, c'est du glocal, comme si on avait tout dit, d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que le terme renferme en fait la réalité qui est observée dans un cadre, en fait, et une fois qu'on a dit le mot glocal, on a tout dit. Mmh. Alors qu'en fait, ça devrait être, ça devrait être exactement ce qu'est un concept, selon Pierre Bourdieu. C'est-à-dire un programme de recherche et un principe d'évitement de tout un ensemble d'erreurs. Et à partir de ce moment-là, si on prend glocal de cette manière-là, ça invite simplement à penser le global n'existe pas en tant que tel, le local n'existe pas en tant que tel, ne pas oublier de penser la complexité de ce qui se passe à un seul et même endroit. Quand Bourdieu parle, traite de l'habitus, c'est exactement la même chose. Il y a des fois où il se laisse aller, et où effectivement il considère que les habitus existent, mais globalement, sinon, c'est quand même plutôt un programme de recherche de manière à ne pas oublier qu'il y a une interaction entre les structures sociales et les structures mentales. Là, je pense que si on l'utilise comme ça, ça peut vraiment être très, très riche et très, très fructueux. Revendication. Ouais. L'un des slogans après du développement durable et tout, ça va être penser global, agir local. Ouais. Et il y a une vraie revendication de. On ne conteste pas le fait qu'il y a une globalité qui agit, mais on conteste la définition qu'on lui donne et le sens qu'on veut lui donner. Et le fait qu'il peut y en avoir une autre. Oui, voilà. Aussi. Mmh. Qu'il peut y avoir une sorte d'alternative alternative globale. C'est étonnant au niveau micro, pour le coup, de voir comment des concepts aussi abstraits. Il y a une vulgarisation alors qu'il peut devenir un fourre-tout, quoi. Mais des articulations si complexes qu'entre global et local deviennent une revendication dans des petites villes, ouais. Avec des programmes d'action là-dessous. Mm. Et du coup, ça rebondit aussi sur l'une des choses, c'est que dans l'histoire des usages, quand le gros problème du passé, c'est que c'est l'histoire des usages écrits. Oui. Mais je sais que c'est impossible de faire autrement. Mais du coup, il y aura justement un apport dans la continuité de ce séminaire à voir aussi l'histoire les usages actuels. Quoi. Bien sûr. Et l'appropriation au niveau très local de termes comme la globalité par des gens qui parfois n'ont pas franchi les frontières nationales, qui sont des agriculteurs, ça pose vachement de questions aussi. Mmh. Vous avez entièrement raison sur les deux points, à la fois sur le caractère très actuel et très commun. C'est un nom commun. Mmh. Et il y a du coup aussi la création d'un sens commun lié à ce nom commun. Et vous avez aussi tout à fait raison sur la question usage écrit, la disparition de la parole interdit totalement du coup, mais à la limite sans regret, puisqu'il n'y a même pas moyen d'aller la chercher, la prise en compte d'usage parlé. Autant on peut toujours se dire, ah, il y a peut-être des usages écrits ici ou là, et on peut toujours se tenter de se constituer des archives pour tenter de remonter toujours plus loin. Autant dans la question orale, là au moins on est à peu près certain qu'il n'y a aucun moyen de remonter, sauf si l'oralité a été retranscrite d'une certaine façon, ce qui est quand même assez inenvisageable. Et puis il y a peut-être un dernier point sur lequel je voudrais, non pas insister, mais que je voudrais simplement signaler parce que j'en ai guère parlé, c'est qu'il y a un autre problème qui est posé finalement par toutes ces questions-là, qui est le problème de la traduction. C'est-à-dire que je pense qu'il serait très intéressant de voir la manière dont ces termes-là se sont retrouvés traduits dans d'autres langues, et des langues qui ne sont pas l'espagnol, qui ne sont pas l'allemand, mais qui sont véritablement des langues plus, soit moins usitées, ou auxquelles on ne pense pas, auxquelles on ne pense pas nécessairement. Est-ce que finalement on va venir ajouter cette dimension du mondial ou du global à l'intérieur de termes qui existent déjà ? Est-ce qu'on va translittérer ce terme ? C'est une des choses possibles. Ou alors, est-ce qu'on va venir inventer littéralement un terme pour venir dire la même chose à partir du mot monde, à partir du mot globe, à partir de je ne sais quel terme ? Ou ne absolument pas le traduire. Ou ne pas le traduire, oui, non, mais... Est-ce qu'on traduit autant ? Vous disiez la globalisation des sciences fait aussi ça. Est-ce qu'on traduit autant les termes ou est-ce que les concepts restent intraduits ? Enfin, moi, j'ai l'impression dans la science sociale actuellement, de plus en plus, un terme anglais, ça se trouve, on va le garder tel quel. Et juste préciser la prononciation parfois, mais pas forcément traduire. Ce qui est frappant, c'est en allemand, globalisierung. Quand même un terme qui ne sonne guère, allemand finalement, et qui est malgré tout le terme le plus utilisé. Après, c'est vrai que pour d'autres langues, je ne me suis pas posé la question. Ça pourrait être intéressant de voir comment, je sais pas, en chinois, en japonais, voir comment ça marche, comment c'est utilisé. Ça peut vraiment être quelque chose de bien. Peut-être s'arrêter là, du coup. On a rempli le contrat. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette première séance. Et puis, nous... C'est la deuxième séance. Ouais. 14 décembre, même heure. Tout à fait. Donc, nous vous contacterons, puisque nous avons vos adresses pour...